30 fois plus. En 2020, il y a eu 30 fois plus de consultations médicales à distance. Et notre rôle, au Crédit Agricole, c'est d'accompagner les professionnels de santé dans cette évolution, avec la solution simple et sécurisée de e-paiement par SMS de notre partenaire PayMed. Vous pratiquez la télémédecine, passez au télépaiement. Crédit Agricole, agir chaque jour dans votre intérêt et celui de la société. Formidable. Service distribué par PayMed, détails et conditions sur paymed.pro. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le Far West, si loin, si proche, oui, dans notre exploration des mythes fondateurs des États-Unis. Aujourd'hui, le cours de l'histoire part dans l'Ouest américain. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Qu'est-ce qu'un mythe ? Un mythe est un récit relatant des faits imaginaires, non consignés par l'histoire, transmis par la tradition et mettant en scène des êtres représentant symboliquement des forces physiques, des généralités d'ordre philosophique. C'est ce que nous dit le dictionnaire. Mais le dictionnaire nous dit aussi que le mythe est une évocation légendaire relatant des faits ou mentionnant des personnages ayant une réalité historique, mais ensuite transformé par la légende. L'histoire des États-Unis est riche de ces mythes. C'est le cas avec l'expédition Lewis et Clark au début du 19e siècle. Traverser les États-Unis d'est en ouest avec des paysages qui font rêver, des personnages hors du commun, notamment Sacagawea, une indienne, et son conjoint Toussaint Charbonneau. Tiens, la France n'est pas loin. Mais comment explorer l'histoire en s'affranchissant du mythe? Ou plus exactement, comment étudier le mythe lui-même, l'histoire du mythe? Eh bien, contre les mythes, nous ne le dirons jamais assez mieux que la naphtaline et le bois de cèdre, il y a les historiens et les historiennes. Cette semaine, le cours de l'histoire sur France Culture s'intéresse au mythe fondateur des États-Unis, des pères pèlerins du Mayflower aux pères fondateurs qui écrivent une constitution, et puis de la guerre de sécession et de l'abolition de l'esclavage que nous avons observé à travers les yeux de deux personnages, Georges Clemenceau et Lucky Luke, des émissions à écouter, podcaster en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, et sur l'application Radio France. Aujourd'hui, direction le Far West. Le Far West, si loin, si proche. Avec vous, Annick Foucrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'université Panthéon-Sorbonne, c'est pas rien, spécialiste de l'histoire de l'Ouest américain, et vous êtes notamment l'autrice d'un ouvrage intitulé « À travers l'Ouest nord-américain, l'expédition d'exploration dirigée par Lewis et Clark, 1803-1806, et publié aux éditions de La Lanterne Magique ». Annick Foucrier, j'évoquais cette notion de mythe dès que nous parlons des États-Unis. Il y a quelque chose qui... factuellement, et vous êtes historienne, mais vous étudiez un mythe de fondateur des États-Unis, il y a obligatoirement quelque chose qui nous fascine avec cette expédition qui débute en 1803, cette idée de traverser un continent inconnu. C'est quelque chose qu'il faut rappeler, le vécu des gens, ils avançaient vers quelque chose d'absolument inconnu. Ou alors vous allez me dire, non, il y avait déjà des traces. Alors, oui et non. En effet, à l'époque, toute cette partie ouest entre le Mississippi et la côte pacifique est inconnue des Américains. Mais il y avait des habitants. D'abord, il y avait les Amérindiens qui, toutes ces populations, c'est pas un territoire totalement vierge comme on l'a imaginé. Et puis, il y avait aussi, vous avez rappelé, la France n'est pas loin, il y avait aussi tous ces francophones, ces Canadiens-Français qui avaient déjà exploré, en fait, le territoire. Alors, il y avait eu, bien sûr, toutes les explorations de l'Ouest, la Vérendrye, par exemple, et ses fils, Pierre de la Vérendrye. Il y avait aussi tous ces voyageurs qui, dans le commerce des fourrures, avaient été amenés à suivre les pistes des Indiens et à aller souvent vivre dans les tribus indiennes. Et c'est la raison pour laquelle il y avait tout un réseau qui était qui se trouvait là et qui a pu petit à petit s'ouvrir devant une expédition américaine qui a été voulue par le président de l'époque qui était Thomas Jefferson. Et nous sommes au début, Annick Foucrier, de cette histoire des États-Unis. Nous sommes avec une toute jeune nation. Il est intéressant d'imaginer ce président, Thomas Jefferson, qui déjà a une conscience du territoire, mais un territoire qui n'est pas encore maîtrisé. Nous nous trouvons à ce moment-là dans une lecture très particulière de ce que peut être la nation des États-Unis. Nous sommes donc au tout début du 19e siècle. Comment les États-Unis se conçoivent à ce moment-là comme nation, ce qui peut expliquer pourquoi ils désirent aller un peu plus loin vers l'Ouest? Eh bien, les États-Unis se conçoivent comme une nation exceptionnelle. C'est une république, ce qui est déjà tout à fait exceptionnel à l'époque. Et puis Thomas Jefferson, qui a beaucoup voyagé, qui est visionnaire, envisage d'une part l'Empire pour la liberté, qui serait non seulement le territoire de l'époque des États-Unis, c'est-à-dire celui qui a été les 13 colonies, plus le territoire arraché à l'Angleterre en 1783, mais la possibilité de d'étendre ce territoire en englobant le Canada, en englobant aussi les territoires du Sud. Donc, c'est un expansionniste. Et il est fasciné lui-même par l'Ouest. Quand il était en France, il s'est renseigné tout ce qu'il a pu trouver comme information. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà essayé d'organiser des expéditions d'exploration vers l'Ouest. L'Ouest, à l'époque, c'est donc l'Ouest du Mississippi. Et c'était un territoire qui avait donc été français, c'est ce qu'on appelait la Louisiane. Et c'est Thomas Jefferson qui fait acheter la Louisiane par les États-Unis en 1803. Il y a une concomitance. C'est à peu près au même moment où une expédition qu'il a lui-même organisée part justement pour essayer de connaître ce qu'il y a de l'autre côté du Mississippi. Parce qu'il y a des tas de légendes qui circulent. On pense qu'il y a des mammouths laineux qui vivent encore dans ces territoires. On pense qu'il y a deux grandes chaînes de montagnes qui sont symétriques. C'est-à-dire que les Américains de l'époque connaissent les Appalaches sur la côte Est, et ils pensent qu'il y a une même chaîne de montagnes, donc pas très haute, le long de la côte Ouest du continent. Ils pensent aussi qu'il y a une grande montagne, d'où partent une sorte de château d'eau, d'où partent les principales rivières de l'Ouest, le Colorado que l'on connaît, puisqu'il arrive sur les territoires espagnols et ensuite mexicains, la Columbia, donc là aussi que l'on connaît, le Missouri, et il suffirait donc, pense-t-il, de trouver la source commune de toutes ces rivières, de tous ces fleuves, pour pouvoir circuler facilement dans ce territoire inconnu. Mais sur les cartes, il n'y a rien, parce que en fait, on connaît très très peu de choses. On connaît très peu de choses, Annick Foucrier. Je suis content que vous évoquiez ces mammouths laineux, possiblement en train de peupler tout ce grand Ouest américain, parce que ça nous montre aussi l'imaginaire de ces hommes et de ces femmes, parce que pour cette expédition de Lewis et Clark, il y a aussi des femmes qui sont concernées, avec un contraste entre ce rêve, ce fantasme, cette imagination, mais qui peut être pris pour ces gens-là comme une certitude, et puis la réalité du terrain et de la carte. Vous évoquiez le fait que la Louisiane était française. Je vous propose d'écouter ce que disait sur France Culture en février 1960 le poète, écrivain Michel Butor, qui évoquait Thomas Jefferson et l'achat de la Louisiane en 1803. Jefferson est venu en France, c'est lui en particulier qui a négocié ce fameux traité par lequel Napoléon, premier empereur des Français, a vendu à la jeune République américaine tout l'immense territoire de la Louisiane, territoire immense qui s'étendait du Minnesota jusqu'à la Louisiane proprement dite, c'est-à-dire qui traversait tous les actuels États-Unis du nord au sud. Cette vente de ce territoire énorme a eu des répercussions considérables jusqu'à notre époque. Si Napoléon n'avait pas vendu la Louisiane à Jefferson, Eh bien, tout simplement, les États-Unis seraient aujourd'hui un État bilingue, où on parlerait français autant qu'anglais. Michel Butor, qui en 1967 évoquait l'achat de la Louisiane par les États-Unis, acheté à Napoléon, donc la Louisiane qui était française. Annick Foucrier, il y a ce sourire autour de la langue, hein, peut-être que les États-Unis auraient été un pays qui parlait français. Il faut rappeler qu'au début du 19e siècle, au moment de cette expédition Lewis et Clark, il y a plein de langues. L'expédition est partie à la découverte de territoires inconnus. Elle est également confrontée à ces langues. Donc, il y a du français, il y a de l'anglais, il va y avoir toutes les langues des tribus indiennes rencontrées. C'est un endroit, pour utiliser un mot américain d'aujourd'hui, un véritable melting pot. C'est un creuset. C'est effectivement une très grande diversité de populations avec des langues très diverses. Et c'est un des aspects fascinants de cette expédition d'exploration. C'est la façon dont ils peuvent communiquer avec les populations qu'ils rencontrent. Très souvent, les intermédiaires sont des francophones. Ce sont les interprètes et le capitaine Lewis qui a été chargé par Jefferson de commander une expédition qui comprend des militaires, principalement des militaires américains qui viennent du Kentucky, de Virginie. Lewis embauche des interprètes, sont souvent d'ailleurs soit des francophones, des Canadiens français, soit des métis, des enfants justement de ces Canadiens français et d'Indiennes, et qui parlent à la fois le français, la langue de la tribu de leur mère, et comme un des personnages tout à fait fascinants de cette expédition qui est Georges Drouillard, métis de Canadiens français et de mère Shawnee, il connaît aussi le langage des signes des Indiens des plaines. Et donc, en fait, Lewis et Clark, les chefs de cette expédition, eux, ils ne parlent qu'anglais. Donc, à chaque fois, ils doivent passer par l'intermédiaire d'un francophone qui ensuite traduit, et ça peut durer pendant très longtemps. Et bien évidemment, il y a une forte déperdition. Mais ça montre aussi la diversité, tout ce qui est les liens qui peuvent exister entre toutes ces populations sur un territoire qui est en effet immense. La Louisiane, c'est en fait tout le bassin des affluents de rive droite, c'est-à-dire à l'ouest du Mississippi. C'est absolument immense. Les populations sont extrêmement diverses sur ce territoire. Et Lewis et Clark ont eu besoin de toutes ces étapes, de toutes ces populations qui ont pu les aider à progresser. Comment est préparée l'expédition ? C'est une expédition que l'on peut qualifier presque de scientifique. Il y a l'aspect premier de l'expédition, c'est-à-dire reconnaître le terrain, dresser une carte. Nous ne sommes pas, même s'il y a des militaires, parce que les territoires traversés sont peut-être potentiellement dangereux, mais il n'y a pas de volonté d'accaparer des territoires tels quels dans l'expédition elle-même. Peut-être que la volonté d'envoyer l'expédition est tout autre. Mais l'expédition part vraiment avec une volonté de découverte. Oui, c'est la première chose. Et c'était l'idée fondamentale de Jefferson. Il fallait connaître ces territoires et leur population. Jefferson a donné à Lewis, qui était son secrétaire, il lui a donné, par exemple, des listes de questions, hein, qu'est-ce qu'il fallait faire, des listes de mots en anglais, et il lui a demandé de mettre à côté les mots du vocabulaire des Amérindiens. Il fallait bien sûr, il y avait les cartes, mais il y avait aussi toute la faune et la flore. Et ils ont capturé des animaux, ils ont recueilli des végétaux, justement pour mieux connaître ces territoires. Jefferson était disons pas un scientifique, mais un homme de science. Il était passionné par la science. Et donc, il voulait en savoir plus. Ça, c'est effectivement un point important de cette expédition. Mais il y a aussi un but commercial. En effet, il s'agit de convaincre les populations amérindiennes de commercer avec les États-Unis plutôt que de continuer à commercer avec les Anglais et avec Montréal. Donc il s'agit de détourner les routes du commerce des fourrures à l'époque qui partaient vers Montréal et de les détourner pour qu'elles aboutissent sur sur les côtes est, donc dans les territoires des États-Unis, dans les ports des États-Unis. Et puis il y a une troisième, un troisième objectif de cette expédition, c'est qu'à partir du moment où les États-Unis ont acheté la Louisiane, et en fait quand Meriwether Lewis part, on vient d'annoncer cet achat de la Louisiane. Donc le territoire n'est plus un territoire espagnol, il n'est plus un territoire français, il devient un territoire américain. Et Lewis est chargé d'informer les populations amérindiennes que leur nouveau protecteur, le père, n'est plus espagnol, n'est plus français, qu'il est maintenant, que c'est le président des États-Unis. Et il transporte avec eux des drapeaux, des médailles commémoratives, de façon à marquer des alliances selon les méthodes qui avaient déjà cours depuis longtemps, mais de nouer des alliances avec toutes ces populations qu'ils vont rencontrer. Dans cette expédition, Lewis et Clark, Annick Foucrier, vous citez souvent Meriwether Lewis, mais vous citez un petit peu moins William Clark. Est-ce que dans la construction même de l'expédition, il y a deux personnages, on les associe toujours hein, comme un couple, comme Laurel et Hardy et comme tant d'autres couples de l'histoire. Mais est-ce qu'il y a une distinction à faire entre Lewis et Clark? Alors, d'un point de vue administratif, oui. Dans la mesure où Meriwether Lewis, tous deux sont des Virginiens, ce sont des amis, se sont rencontrés à l'armée, ils viennent de à peu près la même région, c'est le même milieu social. Mais Meriwether Lewis, c'est celui qui était le secrétaire du président Jefferson, c'est celui que Jefferson a vraiment formé pour cela, en lui donnant accès aux meilleurs scientifiques de l'époque, en biologie, en médecine, de tout ce que l'on pouvait connaître à l'époque. Donc il est formé, et pour le ministère de la guerre, qui est quand même celui qui chapeaute tout cela, c'est lui qui est le chef de l'expédition. Mais pour les hommes de l'expédition, Clark et Lewis sont exactement sur le même plan. Ce sont les deux chefs. C'était important d'avoir un chef s'il y en avait un qui mourait. Il fallait avoir un recours. Et ils se complètent l'un l'autre. C'est-à-dire que William Clark est plus un meneur d'hommes, c'est celui qui fait les cartes, c'est celui qui en plus fait un peu de médecine, il a un rapport différent avec les gens. Lewis est plus introverti et il écrit beaucoup plus, il cherche beaucoup plus les plantes, les animaux. Il est plus souvent sur la rive parce que l'expédition circule sur des rivières. Lewis est plus souvent sur la rive et Clark est plus souvent dans les pirogues, enfin dans les bateaux qui remontent les fleuves. Donc ils se complètent tous les deux. Ils se complètent. Annick Foucrier, vous nous avez dit, il écrit effectivement, cette expédition est très documentée et puis elle se raconte. Alors vous le raconteriez très bien, Annick Foucrier, c'est un plaisir de vous écouter, mais nous allons laisser la parole à Marge Simpson, oui, du dessin animé de la série Les Simpsons, qui a consacré un épisode entier à cette expédition Lewis et Clark. C'est pour montrer combien cette expédition du début du 19e siècle est entré dans la culture américaine. Marge raconte l'expédition. En 1804, le président Jefferson envoie Lewis et Clark et quelques grands reporters afin qu'ils trouvent le passage du Nord-Ouest. Ils remontèrent le Mississippi à partir de Saint-Louis. Quand l'hiver arriva, Lewis et Clark essayèrent de dresser un camp. De dures épreuves les attendaient. Quand vint le printemps, ils demandèrent de l'aide aux indigènes. Longtemps nous attend d'arriver du visage pâle et de calme. Merci et bienvenue aux États-Unis d'Amérique. Voici un doigt pot. Pendant que vous y êtes, couvrez votre nudité et vénérez notre Seigneur. Ouais, nous voir ça parce que nous pouvoir aider vous dans voyage à travers grand pays. Nous offrir à vous un guide, ma fille. Sakagawea. Dans notre langue, son nom vouloir dire « Petit je sais tout » qui jacte du lever du soleil au coucher. Je suis flattée d'aider les Américains. Les Simpsons qui racontent l'expédition Lewis et Clark. Annick, vous criez, l'extrait est intéressant parce qu'il montre combien cette expédition est entrée dans la culture, culture populaire, ce qui est enseigné à l'école. Vous nous confirmez que les petits-enfants, les petits-américains connaissent cette expédition. C'est quelque chose comme une évidence. Oui, c'est Philippe Jacquin qui explique que les petits-enfants suivent le trajet sur la carte. C'est un des moments importants de fierté pour les Américains d'avoir réussi à explorer les premiers ces territoires, d'avoir rencontré toutes ces populations amérindiennes, d'avoir surmonté des épreuves effectivement considérables et d'en être revenus vivants. Parce que quand ils sont revenus, ça a duré 3 ans, et quand ils sont revenus, tout le monde pensait qu'ils étaient morts. Donc ça a été important. Et effectivement, il faut parler de Sacagawea. Et c'est important. Alors, Sacagawea, une personne importante. Dans l'expédition, vous en avez déjà un peu parlé. Elle n'est pas la fille du chef, mais en fait, elle a été. C'est une Shoshonie, donc des populations autrefois très puissantes qui vivent sur les plateaux. Elle a été kidnappée, elle a été capturée. Elle a été alors qu'elle avait 12 ans. Elle a été vendue à Toussaint Charbonneau, qui était un trappeur canadien français qui vivait dans une tribu Idatsa, qui les Idatsa, ce sont ceux qui avaient capturé Sacagawea. Elle parle donc plusieurs langues. Elle parle Shoshone, elle parle Idatsa, et en ce sens, elle est extrêmement importante pour l'expédition, parce que c'est les Shoshone, c'est un moment pivot de l'expédition. Ils élèvent des chevaux, et les chevaux, une fois qu'on a remonté le cours du Mississippi, les chevaux sont essentiels pour pouvoir franchir la montagne. Donc il est essentiel d'entrer en contact avec cette population amérindienne, et elle, qui parle Shoshone, qui vient de cette région, est donc quelqu'un d'essentiel. Elle a aussi un autre aspect qui est essentiel dans cette expédition, c'est qu'elle met au monde un petit enfant en février, donc peu de temps avant le départ, et elle est donc avec son enfant, elle fait tout le trajet, un trajet très très difficile, et elle avance comme les hommes de l'expédition. Donc c'est important, elle est avec l'expédition, et son rôle est symboliquement extrêmement important parce que les tribus indiennes qui voient arriver cette expédition avec des hommes armés, nombreux, s'inquiètent, évidemment. Ils se disent, mais qui c'est ? Et quand ils voient une femme et un bébé avec cette expédition, ils savent que cette expédition arrive pacifiquement, car aucun groupe en guerre ne s'encombrerait d'une femme et encore plus d'un bébé. Donc elle est un lien, elle est une image que l'expédition projette et qui est extrêmement importante pour les rencontres qu'ils vont pouvoir faire. Une image projetée également dans le futur, parce que Sacagawea est très connue et son enfant, Jean-Baptiste Charbonneau, l'est également. Ils font partie des personnages les plus représentés, car ils sont sur une pièce de monnaie, c'est le dollar Sacagawea. Donc on peut les voir tous les deux, Sacagawea qui porte son enfant. Symboliquement, c'est très important de choisir cette femme qui a accompagné l'expédition Lewis et Clark sur un dollar. Et ça, ce dollar a eu un succès considérable, parce que effectivement, on a cette jeune fille avec son bébé, et de façon un peu subliminale, c'est un peu aussi la mère et l'enfant. Ça, c'est aussi une image qui parle aux émotions. Et c'est un des éléments. Mais c'est vrai que Sacagawea, il y a des, c'est certainement la femme qui a le plus de statuts aux États-Unis. Il y a de très nombreux statuts de Sacagawea. Dans mon livre, j'avais pris en photo une où elle est, c'est à Kansas City, donc vers les départs, et où elle est avec Lewis et Clark et Charbonneau. Et ça a été très important pour les féministes au début du XXe siècle de montrer à quel point les femmes pouvaient être importantes dans l'histoire des États-Unis. Annick Foucrier, vous êtes l'auteur d'À travers l'Ouest nord-américain, l'expédition d'exploration dirigée par Lewis et Clark, 1803-1806, publié à La Lanterne Magique, avec ce personnage, effectivement, qui relie cette expédition du début du 19e siècle à aujourd'hui. Elle est représentée sous forme de statue, elle est sur le dollar Sacagawea. Et puis, il y a ce lien que nous sentons sans cesse entre le mythe du Grand Ouest, l'expédition, l'aventure, entre ces chevaux que vous avez évoqués, Annick Fournier, que Sacagawea aide à fournir à l'expédition, mais aujourd'hui le Grand Ouest est toujours présente. Ce ne sont plus des chevaux, ce sont des motos, ce sont celles que l'on va retrouver par exemple dans le film Easy Rider, le film de Dennis Hopper en 1969, car la période n'est pas la même, mais le mythe est toujours là. L'Arizona a toujours été un chouette endroit pour rouler. Les distances sont immenses. C'est comme si les routes se prolongeaient à l'infini et continuaient encore et encore. Et alors que tu passes un massif, il y en a un autre qui se dévoile devant toi. Et pour les vallées, c'est la même chose. Tu traverses des vallées qui font 100, 160 km. C'est sans fin. C'est une thérapie. On l'appelle la thérapie du vent. Tu peux pas vraiment vivre ça en voiture. C'est une chose de conduire sur une route, mais c'est complètement différent de chevaucher la route. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Born to be Wild, la bande originale du film Easy Rider en 1969. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Éric Lancien avec aujourd'hui à la technique Edouard Rubinstein. Le cours de l'histoire s'intéresse à ces mythes fondateurs des États-Unis, notamment à l'expédition Lewis et Clark. Et nous avons entendu juste avant Born to be Wild un extrait d'un documentaire d'Arte intitulé L'Ouest américain d'Easy Rider. Ce lien fait entre l'expédition Lewis et Clark et Easy Rider nous semble une évidence dans le sens où il y a cette exploration. Ce mot qui était utilisé dans le documentaire de thérapie du vent. Annick Foucrier, vous acceptez de faire le lien entre l'expédition Lewis et Clark en 1803-1806 et puis tous ces films, Thelma et Louise, on pourrait en citer tant et tant, qui évoquent cette frontière lointaine. Alors, oui. L'expédition Lewis et Clark, c'est le défi. Il s'agit de relever un défi, et ça, c'est un mythe fondateur des États-Unis. Il y a aussi dans l'expédition et dans Easy Rider cette idée de wild, cette idée de liberté. Et ça, c'est aussi un des mythes fondateurs de l'Ouest. C'est l'Ouest, il est à la fois sauvage, dangereux, et c'est là où on est libre, où on peut aller effectivement sentir le vent, où on peut avancer à grande vitesse sur les autoroutes. Ces autoroutes qui traversent le continent, comme avant le chemin de fer avait traversé le continent, pour le rendre accessible. C'est à la fois ces routes, ce chemin de fer, qui effectivement ont transformé cet ouest sauvage la frontière, et justement là, ça évoque bien évidemment Frederick Jackson Turner, l'historien, qui en 1893 parle de cet espace entre la sauvagerie et la civilisation qui avance. Et Turner a été très contesté, bien évidemment, plus récemment, mais à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, il devient incontesté parce que, d'une part, il tourne le regard des Américains qui auparavant étaient plutôt tournés vers l'Europe et vers l'héritage européen. Et là, il le tourne vers l'Ouest et vers une nouvelle conception de ce qu'est un Américain, plus tourné vers l'autonomie, la liberté, vers le dépassement de soi. Et c'est important à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, parce que c'est le moment où les États-Unis émergent vraiment comme une grande puissance. Et ils ont battu en 1898 l'Espagne, et pris les Philippines. Ils le sont en 1893, ils sont aussi installés à Hawaï. Ils sont de plus en plus puissants et l'Ouest leur fournit justement aussi un support à une justification de cette puissance, de cet empire qui se développe. D'où la relecture de l'expédition de Lewis et Clark à travers les décennies qui passent selon chaque moment, selon chaque contexte. L'expédition est utilisée. Vous évoquez, Annick Foucrier, cet Ouest sauvage tel qu'il est présenté par ceux qui commentent l'expédition Lewis et Clark avec toujours cette question. Oui, mais l'Ouest n'était pas sauvage. Il était habité, il était peuplé par ce qu'on appelle les Indiens, les Amérindiens. L'expédition Lewis et Clark avec la présence de Sacagawea permet justement une justification pacifiée de la présence américaine. Il y a là, dans ce mythe, quelque chose de fondateur, car il permet de réunir les différentes communautés. Oui, d'autant plus que dans ce groupe, il y a tous ces métis qui sont des populations qui sont normales. Qui sont acceptés dans l'Ouest, qui à l'époque ne le sont pas dans les États-Unis, les jeunes États-Unis d'Amérique. Mais selon les périodes, effectivement, la production historique a mis l'accent plutôt sur certains aspects de ce mythe. Par exemple, au début du 19e siècle, c'est l'exploit, c'est l'unité, ce sont les chefs qui sont vraiment mis en valeur. Au début du 20e siècle, lors du centenaire, à ce moment-là, c'est plus l'avancée, l'unité de ce groupe qui est mise en valeur. Il ne faut pas oublier, vous en avez parlé dans une précédente émission, que peu avant, quelques dizaines d'années avant, il y a eu ce terrible combat de la guerre de sécession. Il faut réunir les États-Unis qui se sont tellement désunis. Donc l'expédition, la célébration à Portland en 1905 du centenaire de cette expédition contribue justement à mettre l'accent sur l'unité, comme toute une série de livres qui a été publiée à cette occasion-là. Au début, le bicentenaire, c'est encore quelque chose de différent, parce que les États-Unis se trouvent face à de nouveaux défis. À ce moment-là, on met beaucoup plus l'accent sur la diversité à l'intérieur du groupe et justement les rencontres avec les populations amérindiennes. Et les populations amérindiennes ont largement contribué au récit de cette expédition au début du XXIe siècle. Et puis, et on a mis en évidence Sacagawea, mais on a aussi mis en évidence un autre personnage qui a joué un rôle important dans cette expédition, c'est York. Oui, York, qui est un personnage extraordinaire, qui est l'esclave noir de William Clark. Oui, et ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, Clark, qui l'a amené comme son domestique, continue à le traiter comme domestique, mais il y a un changement fondamental à partir du moment où le Mississippi est traversé. C'est que York, pendant toute la période d'avancée vers l'ouest, York porte un fusil. Porte un fusil comme tous les autres hommes de l'expédition. Et ça, c'est quelque chose qui, à l'époque, au début du 19e siècle, est absolument inimaginable pour un esclave dans la Virginie, d'où viennent la plupart de ces hommes. Oui, c'est... Donc, allez-y, Annick Foucrier. Donc c'est un symbole là aussi qui est extrêmement fort pour ce qu'est l'Ouest. Et en plus de ça, York, dans certaines tribus qui ont rencontré déjà des hommes d'origine européenne, mais qui n'ont jamais rencontré d'hommes noirs, York est une sensation. Il est extrêmement populaire. En particulier auprès des enfants qui s'amusent avec lui, qui se demandent qui il est. Et puis, il y a dans cette expédition ce mythe qui traverse les décennies avec des adaptations de lecture, des changements. Et nous le savons bien, à travers la grande culture populaire qui est le western, l'Indien est présenté comme un ennemi pendant toute une partie de l'histoire du cinéma. C'est vrai que La prisonnière du désert, tous ces films-là, quand John Wayne arrive, l'Indien est rarement bien sympathique. Et puis, il y a un changement qui correspond au changement de lecture de l'expédition Lewis et Clark aussi. Par exemple, dans le film Danse avec les loups, le film de Kevin Costner en 1990, eh bien, il y a cette rencontre avec les Indiens et il y a surtout, nous allons en écouter un extrait, cette notion de frontière toujours présente. Vous êtes John J. Dunbar, lieutenant John J. Dunbar. À vos ordres. Un tueur d'Indiens. Je vous demande pardon. Je vois ici que vous êtes affecté sur la frontière. Il n'y a que des Indiens là-bas. Et de là en déduire que vous êtes un tueur d'Indiens. Ça vous étonne qu'un major ne soit pas un imbécile? Non, major. Non, major. Si je suis affecté ici, c'est sur ma requête. C'est vrai? Pourquoi? J'ai toujours voulu voir la frontière. Vous voulez voir la frontière? C'est ça. Avant qu'elle ait disparu. Vous vous présenterez au capitaine Cargill dans le poste le plus avancé aux marches du royaume, le Fort Sedgwick. Mon sceau personnel sera votre sauvegarde à travers les embûches de cette vaste contrée sauvage et hostile. Danse avec les loups qui évoque ces contrées sauvages et hostiles, donc une lecture particulière de l'Ouest américain, et toujours cette notion de frontière. Annick Foucrier, cette notion de frontière qui draine l'histoire des États-Unis, de l'expédition Lewis et Clark jusqu'à cette nouvelle frontière de Kennedy, qui celle-ci est dans l'espace, et une manière de lire la politique des États-Unis, ou en tout cas la manière dont les États-Uniens ont de se voir eux-mêmes. Cette expédition Lewis et Clark est moteur dans cette lecture. Oui, mais c'est une lecture effectivement vue par les Américains. Ce qui est intéressant avec les années 1970, c'est qu'il y a une remise en cause de cette lecture, l'histoire des vainqueurs, et l'idée d'une nouvelle histoire de l'Ouest, où une place plus importante serait donnée aux populations locales, populations amérindiennes. Et c'est ensuite ce qui, petit à petit, se diffuse dans la population et qui finit par aussi remettre en cause les images traditionnelles que l'on pouvait avoir de ces populations indiennes, vous savez, les grandes coiffes, qui en fait n'étaient pas portées tout le temps. Toute cette imagerie qui avait été à la fois développée par les romans, par le western, par aussi le grand show de Buffalo Bill, toutes ces images qui avaient façonné l'imaginaire des Américains, c'est remis en cause à la fin du XXe siècle. Et on en arrive à parler autrement de l'Ouest, justement plus d'un point de vue inclusif. Et ça, c'est aussi, on voit comment ces événements, ces faits, changent, sont réinterprétés. Alors, bien sûr, les faits, eux, sont toujours là, mais on voit peut-être plus certains aspects qu'on avait passé sous silence parce qu'ils n'étaient pas considérés comme importants à l'époque. Et c'est le travail des historiens de toujours remettre leur sur le métier l'ouvrage. Oui. Et toujours de questionner. Toujours questionner, parce que il y a une évidence pour cette expédition Lewis et Clark, c'est la réussite, au sens où elle a réussi, puisqu'elle est un des mythes fondateurs des États-Unis. Elle s'inscrit, et vous nous l'avez expliqué, Annick Foucrier, avec tous ces aspects qui sont fascinants dans l'histoire des États-Unis. Mais l'expédition elle-même, qui se termine en 1806, est-elle un succès? A-t-elle changé les choses? Ah, c'est une grande question. Thomas Jefferson les avait envoyés donc pour des raisons scientifiques, j'avais dit. Donc là, ils ont rapporté de très grands nombres d'informations, 178 nouvelles plantes, 122 espèces et sous-espèces d'animaux qui n'étaient pas connues. Donc là, c'est quand même une grande avancée. Faire du commerce avec les Amérindiens, donc là, il y a effectivement une avancée aussi, mais s'ils n'avaient pas parcouru eux-mêmes le territoire, ça se serait fait tout de même. Informer les populations amérindiennes et nouer des alliances, ça s'est fait aussi avec certaines populations et ça a été très très durable. Par exemple, avec des populations qui n'avaient pas encore rencontré vraiment d'Européens ou d'Américains comme les Nez-Percés ou quelques autres tribus, justement de les Shoshones. Mais ils ont eu, par exemple, des conflits avec d'autres populations qui elles étaient puissantes à l'époque, comme les Sioux. Ils devaient aussi essayer de trouver un trajet facile pour traverser le continent de façon à pouvoir aussi aller faire du commerce vers la Chine sans passer par le Cap Horn. Il n'y avait pas de chemin, donc ils l'ont pas trouvé. C'est nuancé. C'est tout de même une expédition avec ils sont déjà revenus tous, sauf un qui est mort d'une appendicite. Donc ça, c'est un très grand succès. Ils n'ont pas totalement influencé la trajectoire des États-Unis, mais ils ont contribué tout de même d'une certaine façon, à faire aimer ces territoires et à faire rêver à propos de l'Ouest. Rêver sur les territoires, rêver sur la géographie, ces grands espaces, et rêver sur des destins de personnes. Dans cette expédition, Lewis et Clark, et on a envie de rajouter Sacagawea, il y a des destins. Il y a Jean-Baptiste Charbonneau, le bébé de Sacagawea, qui a une vie après. Il y a aussi ça qui est très porteur, parce que nous aimons ces histoires, ces destins. Oui, l'histoire de Jean-Baptiste est extrêmement intéressante. Cet enfant qui est né dans dans le village Mandan, qui a parcouru qui a traversé le continent avec sa mère, était très C'était la mascotte du groupe, et en particulier William Clark l'aimait beaucoup, il l'appelait Pompée, et il a proposé à Charbonneau, à Toussaint Charbonneau et à Sacagawea de l'élever comme son fils. Ce qu'il a fait, Jean-Baptiste a été élevé à Saint-Louis. Là, il a rencontré un explorateur allemand qui l'a emmené, un prince qui l'a emmené en Allemagne, où il a rencontré la haute société allemande, où il a appris plusieurs langues. Il est ensuite retourné dans l'Ouest américain. Il a participé à la ruée vers l'or. Il était en Californie au moment de la ruée vers l'or. Il était alcalde d'une mission dans le sud de la Californie, et il est mort dans l'Oregon alors qu'il partait pour retourner vers le village où il était né. Donc c'est un personnage qui a connu, qui était juste un petit métis indien, qui a connu une destinée absolument extraordinaire. Il a connu plusieurs régimes, il a connu des sociétés extrêmement différentes. Et finalement, il a préféré retourner dans son Ouest sauvage, qu'il ne commençait à plus l'être totalement. On était vers les années 1860. Et c'est effectivement une très très belle histoire, très, peut-être justement très symbolique. De ce que peut être l'Ouest. Ce que peut être l'Ouest avec ce destin du gamin qui a suivi l'expédition Lewis et Clark avec sa maman, sa Sacagawea, et puis qui rencontre plus tard le prince de Wurtemberg, qui va en Europe, qui revient. Ce sont ces destins qui nous fascinent. Et puis, ce que l'historienne que vous êtes, Annick Foucrier, en fait, l'analyse qu'il y a à faire de cette expédition. Je rappelle le titre de votre livre, À travers l'Ouest nord-américain, l'expédition d'exploration dirigée par Lewis et Clark. Merci beaucoup, Annick Foucrier, d'avoir été pour nous dans le cours de l'histoire un peu Sacagawea, vous nous avez guidés. Merci, c'est trop gentil. Eh bien, en avant sur la piste. Alors, en avant sur la piste. Et pour le moment, dans le cours de l'histoire, c'est en avant sur le journal de l'histoire d'Anaïs Kien. Aujourd'hui, dans le journal de l'histoire, rappelons-nous le temps où la nuit, tout était permis. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Couvre-feu, confinement, l'actualité percute de plein fouet notre rapport au temps. S'il est un temps bousculé, ou plus exactement bouleversé aujourd'hui, c'est celui de la nuit. Avec la suspension de notre fréquentation de cet espace-temps, difficile de ne pas avoir l'impression qu'une partie de notre expérience vécue se trouve suspendue. Dans son livre monument « Les 12 heures noires, la nuit à Paris au XIXe siècle », Simone Delattre s'est penchée sur cette histoire nocturne, sur notre manière de l'arpenter avec nos pieds ou avec nos têtes, parce que ce qui change radicalement au XIXe siècle, ce siècle qui invente nos manières d'habiter l'espace et peut-être aussi le temps, c'est le regard sur la nuit et les imaginaires prolixes qui y trouvent leur motif. Habiter la nuit, c'est d'abord pouvoir s'y déplacer et, si possible, en voyant où l'on met les pieds. L'arrivée de l'éclairage public au gaz à partir de 1829 fait à la fois scandale et sensation, tout en rendant peut-être encore plus sombres les espaces qui y échappent. Une lumière artificielle, apanage de la civilisation, qui permet aux travailleurs qui s'activent la nuit d'œuvrer au bon fonctionnement de la ville. Balayeurs, vidangeurs, chiffonniers, marchands et marchandes des halles, tout un peuple qui ne dort pas, en tout cas pas à la même heure que les autres. Mais l'appropriation de la nuit, c'est aussi l'apparition d'un nouvel individu nocturne, avec l'invention d'un nouveau temps de vie, d'un rapport transformé à la ville, souvent romantisé, voire franchement érotisé, dans une volonté d'en partager l'intimité et ses sensations. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Entre 1830 et 1860, la nuit prend corps. les sensibilités adeptes de ces heures s'en délectent avec un enthousiasme débordant. Cette façon inédite d'user de son temps n'est pourtant réservée qu'à une élite en quête de divertissement, voire de franche débauche. Un nouveau temps de l'expérience réservé à ceux qui en ont les moyens. Traîner dans les rues à la nuit tombée reste toujours suspect de la part de celui ou de celle qui, sans avoir le statut social requis, passe pour un rôdeur de nuit, figure anxiogène inventée pour l'occasion. Mais la conquête de la nuit plaît et les ouvriers, eux aussi, revendiquent de pouvoir en profiter après leur journée laborieuse. La vie la nuit se démocratise et fait pleinement partie de l'explosion de la société des loisirs. Certains se délectent de cette nouvelle identité possible de noctambule, la nuit reste le royaume de la méfiance et de tous les risques, le contrôle de l'ordre public nocturne s'invente au même rythme que ses divertissements. Les imaginaires de la nuit se nourrissent des faits divers, d'une criminalité qui serait devenue d'autant plus sauvage qu'elle surgit dans les replis complices de l'obscurité. La nuit festive voisine avec la nuit de tous les dangers et l'affirmation du droit au repos. L'histoire de la nuit, c'est aussi l'histoire de notre sensibilité au bruit. Alors célébrons la nuit en attendant qu'elle nous revienne, en préparant notre devenir noctambule pour les années à venir, en attendant que prenne fin un mal tapis dans l'ombre, la nostalgie de la nuit. Eh bien, merci de nous éclairer, Anaïs. On retrouve le journal de l'histoire en streaming et en podcast sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Valentine Lovrin, Odile Jouessel, Anne Toscane-Viudès et Marion Dupont, ainsi que Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter et à podcaster la balado-diffusion sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, nous allons évoquer une page dans l'histoire de l'Afrique. Au moment où nous fêtons l'anniversaire des indépendances, où il y a 60 ans, les pays d'Afrique devenaient indépendants, eh bien le cours de l'histoire s'intéresse au partage de l'Afrique. C'était en 1885, lors de la conférence de Berlin.